Procès. Alors, dès maintenant commencent les procès. Il faudra bien que paient plusieurs de nos grands chefs. Exorciser les peurs exige d'heureux chefs, un auteur exemplaire aux trop nombreux décès. Dans un grand brouhaha, on traque les erreurs, les propos mensongers que, le menton dressé, assènent en caquetant tels des gallinacés, les puissants dépassés pour alléger l'horreur. Les primitifs accusent, mais l'on meurt sans arrêt. Les opposants dénoncent en promettant l'enfer à ces irresponsables qui ne savent que faire face au fléau qui tue comme un fol couperet. Les citoyens s'insurgent et les réseaux condamnent. Le pays désormais n'est plus qu'un tribunal. Punir est devenu une obsession banale et pleure la justice que ses excès profanent. Des têtes tomberont, des noms seront souillés, l'infamie marquera quelques pauvres lampistes, cible des mécontents et de grands journalistes. Puis le temps gommera les clameurs oubliées, calmées, les passions de ce chaos viral rendront à la tristesse d'une vie ordinaire ceux qui, accusateurs ou jurés arbitraires, ajoutèrent au malheur la honte nationale.